Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, La mort vivante, une série d'Élise Gruot réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a le plaisir des histoires qui font peur et cette vieille idée qu'un mort ne l'est jamais tout à fait, comme un espoir, à moins que ce soit un cauchemar. Mais il y a aussi ceux qui exhument délicatement les os pour les faire parler. Alors pour commencer, les personnages. Un archéologue au chevet, une archéologue précautionneuse, une conservatrice enthousiaste, un thanato archéologue, une anthropologue à l'intérieur et des parents en deuil. Ensuite, le décor. Un crâne carolingien, la rue des Mastrais, des truelles et des brosses à dents, des mérovingiens, des gestes, des bûchers, des linceuls, la décomposition, un coup de glaive, des entrepôts, Disneyland et des sanctuaires à répit. Aujourd'hui, premier épisode, on s'accroupit pour gratter. C'est un petit levier peut-être. Ça vient, c'est chaud. Ouais. Il est tout doux parce que... Mets de l'eau sinon si tu veux, pour le dégager si tu veux aussi un peu. Ouais, mais je viens de l'attacher là. Pas que ça se casse. C'est ça. Tu as le temps en même temps. Enfin, pas te dépêcher. La mort vivante. J'irai fouiller dans vos tombes. Par Élise Gruot et Anna Schmuck. En effet, là, il ne faut pas que tu dégages plus. Hein. Surtout pas enlever en dessous. C'est comme pour les os. Hein. Il faut que tu laisses de la terre en dessous. Il ne faut pas du tout enlever la terre qui est en dessous. Hein. C'est un peu dangereux de faire ça. Ah, oui, non, bien sûr. Vraiment, savoir juste à quoi ça ressemble, avoir le contour, et pas être trop pressé de voir l'ensemble de l'objet tout de suite. En fait. Donc là, maintenant, pour celui-là, on s'arrête là. On voit qu'on a le crâne. Tu peux t'appuyer un peu comme ça sur les crânes. Et hop, tu dégages comme ça au fur et à mesure. Tu libères un petit front de fouille. Et comme pour la fouille des os, en fait, hein, ouais. C'est pas différent. Hein. Tu vois, hop, là, on a de l'objet qu'on va s'arrêter là. Et donc, tu peux dégager bien plus loin pour délimiter tout l'objet. C'est un crâne non plus, aussi. Il y a les jambes. Fais attention. Aux vivants comme aux morts. On est ici à Noisy-le-Grand, une dizaine de kilomètres à l'est de Paris. Et autour de nous, des immeubles de petite taille, récents, modernes. Un quartier assez tranquille. Et puis là, une étendue à ras du sol, une surface où il y a une agitation particulière. Qu'est-ce qui se passe ici, Cyril Le Forestier ? Donc ici, nous sommes en plein cœur en fait, d'une nécropole du Haut Moyen-Âge, donc entre le 5e et le 11e siècle. Donc une nécropole, c'est un ensemble en fait, de sépultures qui ont été inhumées. Et donc ben, là, on est en train d'exhumer au fur et à mesure les squelettes de la nécropole. On en est en tout à 800 squelettes depuis 10 ans. Donc on exhume en fait un à un les squelettes, une fois qu'ils ont été fouillés minutieusement par des étudiants, par des stagiaires, par des professionnels. Et donc on a comme ça une équipe de 15 personnes qui se relaient depuis un mois maintenant, donc là c'est la fin, pour justement mettre en évidence toute la chronologie et toute l'installation des sépultures médiévales. Comment avez-vous découvert cette nécropole ? La rue des Mastrais, ça veut dire martiretum, martyrium, donc c'est lié soit à un prieuré, soit à un lieu de culte. Donc là, ça va pas rater, un lieu de culte, donc aussi cimetière. Donc on a fait un sondage archéologique en préalable de la construction d'un bâtiment de location. Et donc, nous sommes passés en 2007 faire un diagnostic. Donc ce diagnostic était très positif et donc on a pu mettre en évidence pas mal de sépultures. On a pu dater assez rapidement les tombes qui datent donc entre le début 6e et la fin du 11e siècle. Est-ce que vous habitez à Noisy-le-Grand ? Oui, on habite dans la rue à côté. Mais tous les jours, on passe, on vient voir comment ça avance. Vous avez vu sortir petit à petit des squelettes de terre ? Oui, on les voit à chaque fois. Ils ont des terres de plus. Non, c'est rigolo, on les voit tous les jours avancer dans leur travail. C'est sympa, les enfants, ils aiment bien voir ça. Alors, qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu passes ici ? C'est tout des squelettes. Des squelettes. C'est une chance d'avoir une si grande nécropole à côté de chez nous. On puisse regarder comment les archéologues travaillent. Et puis voir un petit peu notre passé en fait enterré ici, c'est super, ça nous fait revivre un petit peu ça nous fait voir comment les gens étaient enterrés, comment les gens vivaient, c'est vraiment très intéressant de voir tout ça. Enfin, ces squelettes sont là depuis 1500 ans, c'est là que ça touche quand même. Hein. Voilà, c'est notre histoire. Hein. Voilà, c'est notre passé, notre histoire. On prend conscience quand même voilà, de tous ceux qui sont passés avant nous. Hein. On le lit dans les bouquins d'histoire, mais quand on voit concrètement comme ça, c'est vrai que... Disons qu'on devient lucide hein, de plus en plus hein, quand on voit ça. On se dit, bah, voilà, c'est la vie, quoi. C'est... Mes frères, 1, 2, 3, mon fils, répands tes larmes pour un mort, pousse tes lamentations pour montrer ton chagrin, enterre le cadavre selon le cérémonial et ne manque pas d'honorer sa tombe. 1, 2. D'accord. Rosalie, qu'est-ce que vous avez dans les bras? J'ai un crâne d'un individu carolingien qui a été inhumé ici dans la nécropole de la rue des Mastrais à Noisy-le-Grand. Et après avoir fouillé, je procède au démontage tout aussi méticuleux, finalement. Le démontage a été réussi. Et donc, je vais poursuivre sur toute la colonne vertébrale, le torse, et prélèvement également, indépendamment, les membres supérieurs et inférieurs droits, donc latéralisés à droite, et de la même manière, latéralisés à gauche. Donc, c'est un crâne qui a environ 12 siècles que vous avez dans les mains. À peu près. Alors là, on est vraiment sur une étape de transition entre la période dite mérovingienne, le temps de Clovis, le temps du roi Dagobert et des rois feignants, et le temps de Pépin le Bref et de Charlemagne, qui amorcent vraiment la nouvelle dynastie des Carolingiens. Charlemagne, Carlomagnus, Carolingien. Et effectivement, on est dans les pratiques funéraires, en tout cas, on est vraiment sur des modes inhumatoires à la transition entre ces deux périodes-là. Certes, ça se fait dans des tombes simples à la mode carolingienne, mais il y a encore quelques éléments de pierre qui viennent en fait en application le long des parois, de manière aussi abondante que pour la période mérovingienne. On n'a pas vraiment affaire à des coffrages en place vraiment spécifiques, mais on a vraiment des fosses simples avec quelques pierres en réo. Et par contre, les individus eux-mêmes sont inhumés de manière extrêmement sobre, nus, dans des linceuls en serrant, et parfois simplement accrochés avec une épingle à nourrice qu'on appelle une broche, une fibule. Voilà. Et c'est beaucoup plus sobre qu'à l'époque mérovingienne, qui est davantage hérité des traditions gallo-romaines finalement. Donc là, on est sur un très bel ensemble carolingien. Donc du coup, pendant 5 siècles, ils vont toujours inhumer les gens au même endroit. Et donc, on a plusieurs sépultures carolingiennes qui sont installées au fur et à mesure. Là, en fait, on doit avoir 1 siècle ou 2 d'inhumation. Donc, le premier qui s'est installé, c'est sûrement le petit bout de crâne qu'on voit. Avec donc celui d'après, on a uniquement le crâne et son membre supérieur droit. Son membre supérieur gauche et inférieur ont été emportés lors du creusement de celui qu'on voit qui est entier à côté. Et celui qui est entier à côté a également recoupé une sépulture qui est plus haute, qui est donc plus au nord, que dégage entièrement Rosalie. Et ce squelette qu'on voit entier, dans quelle position il est? Donc alors, ce qui est intéressant, c'est que le squelette, comme on le voit, c'est pas le même que lorsqu'on l'a déposé. C'est qu'il y a pas mal de mouvements osseux, des mouvements de corps. Quand on va se décomposer sous la poussée des gaz putréfactifs, on va avoir le ventre qui va gonfler, la tête qui partira un peu en arrière, les mains qui vont se décomposer. Donc dès qu'il n'y a plus l'armature générale pour tenir le corps, et ben les os du squelette ont libre cours à bouger assez facilement, et donc il faut que nous, lorsqu'on fouille la sépulture, lorsqu'on démonte surtout la sépulture, qu'on puisse revenir en arrière et essayer de voir le processus de décomposition, donc de voir les os qui ont bougé et ceux qui n'ont pas bougé. Et comme ça, on peut justement revenir à la position initiale. Par exemple, celui qui est devant nous entièrement, il avait les pieds au départ qui étaient joints, qui étaient sûrement superposés. Au fur et à mesure, les pieds se sont un peu avancés, en fait, sont un peu partis vers l'extrémité de la fosse. Pareil pour les mains sont à peu près ici restées en place. La cage thoracique qui était en hauteur s'est effondrée. Et donc, on voit généralement aussi par rapport aux sépultures la position des bras, des mains qui évoluent en fait dans le temps. On voit les carolingiens, quand ils sont inhumés en fait les bras le long du corps. Il n'y a pas de coussin sous la tête. Ils sont vraiment posés avec leurs plus beaux habits dans la sépulture. Et donc, comme c'est un espace vide, comme il y a un couvercle au-dessus du sarcophage, le corps pourra gonfler comme il veut, pourra se déplacer un peu à l'intérieur. Et donc on va avoir les mains qui vont partir sur le côté, on va avoir les os du cou qui vont un peu partir en accordéon, les os du pied qui vont migrer vers le fond de la fosse. Alors que les coronagiens, on va mettre juste un petit linceul en serrant, qui permet de compresser, comme on le voit justement très bien là, de compresser les épaules et donc de également joindre les pieds. Et donc après, ils vont mettre directement de la terre dessus, ça va sceller entièrement l'individu, donc ça ne pourra pas trop bouger. Donc les os des carolingiens restent à peu près en place puisque de la terre vient directement sceller l'ensemble. Les os des mérovingiens peuvent bouger puisque du coup, il y a autour d'eux un espace vide. C'est comme ça qu'on arrive à avoir justement les coussins sous la tête, les chaussures, les chemises également, les linceuls, tout ce qui n'est pas visible en fait quand on fouille. Donc Sophie, en fait, qui est du musée de l'homme, et donc qui fait de l'ADN, en fait, sur la nécropole des Mastrais, entre autres, et sur aussi Bobigny, une nécropole gauloise. Et donc là, elle a fouillé avec nous il y a deux semaines. Donc là, aujourd'hui, elle vient voir la suite de ce qu'elle a fouillé, qu'est-ce qu'elle aurait pu fouiller, en fait. D'accord, on vous suit, alors. D'accord. Ça va changer, hein. Ah, oh, ouais. Ah, il est magnifique. Ils sont tous très beaux, ouais. Magnifique. Ce matin, de tout l'ensemble, photo de la perche, photogrammétrie ce matin, qu'on a tout documenté. Ah, ouais. C'est un carolingien, celui-là, en fait. C'est une pleine oui, paire. Oui, oui. C'est un opportuniste, en fait, lui. Qui récupère une fosse mérovingienne pour faire son inhumation. Et bien, en fait, ils ont ouvert la cuve, ils ont tout sorti en fait, les os qui étaient là avant. C'est ce qu'on voit ici, justement. Ouais. Le gros fagot d'ossements humains, c'est les mérovingiens qu'il y avait avant dedans, qu'ils ont tout curé, tout enlevé, pour les mettre entre les deux, en fait, une réduction interstitielle. Et donc, pareil pour la partie qui est là, c'est également, quand ils ont enlevé celui qui était là avant, ils ont tout mis sur le côté. Il n'y a vraiment que celui-là qui est un vrai mérovingien et qui n'a pas été perturbé. Alors que celui-là est carolingien, celui-là aussi carolingien. Et comment tu vois qu'il est carolingien? C'est par rapport au... Parce que c'est une pleine terre déjà aussi, tu vois. Ouais. C'est qu'en fait, il y a, donc là, ils ont ouvert, ils ont mis le cadavre, ils ont directement rebouché en fait. Il n'y a pas de couvercle qui est mis par-dessus, il n'y a pas de volonté de revenir dessus. Alors d'accord. Que celui-là, on voit qu'il y a une décomposition qui est en espace vide, donc il y a loisir à ce que les os bougent dans tous les sens. Et là, tu vois qu'il y a un grand et un petit qui sont mis en même temps, et ça, l'Église interdit au 8e siècle d'inhumer deux personnes ensemble. D'accord. Donc, tu vois qu'il y aura le carolingien à côté, on a juste une fosse par individu, on n'en a pas deux. Le mérovingien autorise en fait de mettre deux sujets dans la même sépulture, c'est ce qu'on a là. Et là, c'est un petit. Et là, c'est un petit, voilà, que tu vois, oui. Donc, il y aurait éventuellement recherche de parenté entre les deux, là. Exactement. Ce serait bien de pouvoir voir qu'il y ait un lien de parenté entre ces deux-là. Et là, tu peux déterminer si c'est une femme ou un homme. Là, oui, c'est un homme. C'est rassurant de voir qu'il y a un homme et un enfant enterré ensemble. Voilà, ouais, voir s'il y a un lien de parenté. Ça casse pas mal de codes sur le genre. Donc, ce qu'il faudra faire après, c'est voir si on ne peut pas essayer de trouver des liens de parenté entre tous les crânes qui sont partout, ouais, en fait, ouais, et ceux qui sont vraiment en place. Donc, voir si ceux qui ont été enlevés de la sépulture correspondent à ceux qu'on a déposés, en fait, en dernier dans les tombes. Oui, absolument. Donc, il y a beaucoup à faire sur le gros paquet qui est là, en fait. Il y a à peu près une quinzaine d'individus là-dedans, en tout. Il faudra décortiquer tout le laboratoire, de tout recoller les os ensemble. Ça fait encore quelques années de recherche, ouais, ça. Oui, tant mieux. On a le temps. Rosalie, qu'est-ce que vous ressentez d'avoir ce crâne entre les mains? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'humilité également. On a, j'imagine, tous connu des morts dans nos familles, tragiques ou très apaisées, mais c'est une remise en cause de tous les jours. C'est pas parce qu'on a lu, pour ma part, voilà, tous les textes monothéistes, polythéistes, les textes ou les simples reportages animistes sur la spiritualité. Néanmoins, voilà, avoir un regard neutre sur tout ça, objectif, ça nous invite à beaucoup d'humilité, finalement, notre considération même de nous-mêmes dans notre environnement, par de spiritualité ou l'absence de spiritualité, notre ouverture d'esprit, finalement, plus ou moins large, sur notre considération, ou pas, d'un esprit intégrant un corps. Et finalement, cette conception qui est purement créée par les individus néandertaliens puis homo sapiens, sur l'état actuel des connaissances, voilà, ça nous invite vraiment à nous poser la question, est-ce qu'on a vraiment que des corps? Est-ce qu'on est des corps habités par un esprit? Est-ce qu'on est vraiment en symbiose ou pas, notre esprit et notre corps durant notre vie? Et qu'en est-il à l'étape de la mort? À l'étape de la mort du corps. Tout le monde essaye de le comprendre finalement à l'échelle de sa vie, de se comprendre soi-même durant notre vie, et finalement, quelle est notre projection à l'étape suivante après la mort? Henri Dudet, vous êtes archéologue et spécialiste de l'archéologie de la mort. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, évidemment, au premier chef, on pense à l'archéologie funéraire, donc à l'archéologie des tombes, des tombeaux, de tout ce qui peut être sépulture. Mais l'archéologie de la mort, c'est un petit peu plus vaste, dans ce sens que ça nous permet aussi d'aborder les situations où on n'est pas certain que le corps soit en position de sépulture. Il y a les massacres, les cadavres perdus, les cadavres dissimulés, etc. Donc l'archéologie de la mort est un petit peu plus vaste, même si l'archéologie funéraire représente la très très grande partie de nos activités. Et depuis combien de temps cette discipline s'est-elle développée ? L'archéologie funéraire existe depuis très longtemps. En revanche, ce que nous avons développé, je dirais, depuis les années 70 à peu près, du siècle dernier, c'est une archéologie qui place le défunt au centre du discours. C'est-à-dire que c'est une archéologie qui est tournée véritablement vers les restes de l'individu. Toute l'interprétation de la sépulture se construit en fonction, en quelque sorte, du défunt ou de ce qu'il en reste, puisque finalement le défunt a été au centre des gestes que l'archéologie de la mort essaie de restituer. Et en étudiant les restes des défunts, quel type de relation des vivants aux morts vous arrivez à mettre en évidence ? C'est vraiment une reconstitution d'un scénario, d'une succession de gestes. Finalement, nous avons transformé la pratique de l'archéologie funéraire ou de l'archéologie de la mort, quand on est dans des contextes non funéraires, donc, en une pratique qui s'apparente énormément à la médecine légale. C'est-à-dire que nous étudions effectivement toutes les circonstances qui ont accompagné le décès, mais ensuite vraiment la restitution des gestes, des déplacements, si éventuellement il y a eu des réinterventions sur le corps a posteriori, etc. Il y a des gestes funéraires qui veulent cela. Nous entrons, je dirais, beaucoup mieux dans la lecture de tout ce qui a été le traitement du cadavre et aux divers temps de l'histoire de la sépulture. Pendant longtemps, on a pensé par exemple que la crémation était un phénomène relativement tardif, à l'âge du bronze. Or, maintenant, nous avons la certitude qu'il y a des crémations, des crémations réelles en traitement funéraire, dès le mésolithique, c'est-à-dire qu'il y a plus de 10 000 ans. Il y a la crémation, il y a l'inhumation. Vous avez les sépultures individuelles avec un seul corps dans la tombe. Parfois des tombes isolées, parfois les tombes individuelles regroupées en ensemble funéraire, qu'on appellera cimetière, nécropole selon les périodes. Mais dans le fond, c'est pratiquement la même chose. Et puis, il y a les sépultures collectives, c'est-à-dire les sépultures qui sont des caveaux, par exemple les chambres de dolmen, les allées couvertes au néolithique. On a aussi des grottes sépulcrales, on a des hypogées, c'est-à-dire des grottes artificielles creusées par l'homme à des fins sépulcrales. Et ces ensembles sont destinés à accueillir les corps des défunts d'une communauté au fur et à mesure que les morts surviennent. Donc, c'est ce qu'on appelle les sépultures collectives. Et puis, nous nous sommes rendus compte que nous étions confrontés à des sépultures qui correspondent, au contraire, à des crises brutales de mortalité, c'est-à-dire des sépultures qui ont été constituées par des groupes humains dans des conditions très particulières, qui sont celles d'avoir à gérer, dans un temps très bref, un nombre considérable de cadavres. Et là, vous aurez les sépultures d'accidents collectifs, mais surtout les sépultures de famine, et puis évidemment les sépultures d'épidémies, les sépultures de massacres. Et ce sont des choses qui ont été beaucoup explorées au cours des dernières décennies. Bon, ce sont des choses qu'on ne connaissait pas. On savait très bien que la peste avait existé du point de vue historique. Mais moi, quand j'ai commencé à faire de l'archéologie funéraire, sur la surface de la France, on ne connaissait pas une sépulture de peste, un charnier de peste. Alors que maintenant, on en connaît des dizaines. C'est intéressant de faire ça, en fait. C'est un cocobacille. C'est un cocobacille, ouais. Genre Bruxelles, là. C'est intéressant du coup ce bassin-là, je trouve bien. C'est vraiment du... Les dessus, hein, les numéros de Brésil, les numéros de Beau, les numéros de Beau, tu vois, bon, c'est comme ça. Cyril Le Forestier, cette sépulture-là, qu'est-ce qu'elle vous apprend déjà à l'œil nu, avant l'étude dans le laboratoire? Alors déjà, sur le terrain, ça apprend la manière dont les gens ont été inhumés, donc de voir s'il y avait justement des linceuls, s'il y avait un cercueil ou pas, si c'est une pleine terre ou pas une pleine terre. Donc tout ça en fait permet de comprendre comment les vivants voyaient leur mort, comment est-ce qu'ils géraient en fait la mort de l'individu. On voit des époques comme l'époque gauloise où il n'y a pas trop de linceuls, où les gens sont habillés, comme c'est l'époque mérovingienne, c'est-à-dire que les gens sont visibles en fait, on voit le cadavre réellement quand on le transporte du lieu de sa mort jusqu'au lieu d'inhumation. Alors que pour le carolingien, il y a déjà une pudeur qui arrive doucement, ou une façon de voir la mort qui est un peu différente, où ils vont emmailloter en fait les gens dans un linceul en serrant. Et ils l'emmaillotent partout parce qu'on voit très bien une énorme compression au niveau des épaules, du bassin et des pieds. Donc ça, ça implique déjà qu'il y a une gestion qui est différente, donc soit pour le transport ou soit pour cacher un peu le mort. Après, on a aussi en fait des petites choses qu'on peut voir en plus, comme par exemple le calage de la tête. Ils vont mettre tout un système en place pour que la tête soit bien un peu relevée, pour que les yeux du défunt soient portés vers l'est, vers Jérusalem, parce que le jour du jugement dernier, il faudra que le Seigneur appelle ses fidèles, donc il faudra que les fidèles puissent se lever pour le rejoindre. Et donc, ils vont mettre en place tout un système pour caler la tête, qu'elle soit bien surélevée. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Le premier a des pierres de part et d'autre de son crâne, et pour le second, en fait, ils ont creusé, ils ont fait un creusement, comme un petit coussin pour laisser la tête bien surélevée. Donc ça c'est intéressant aussi voilà, de voir qu'à l'époque mérovingienne, il n'y a pas ce souci-là en fait de caler la tête part en arrière, hein, il n'y a pas du tout de coussin sous la tête, alors qu'eux, ils ont ce principe-là de relever justement la tête osseuse. Et intéressant aussi sur le terrain, ce qu'on peut voir, c'est que là on est en direct avec le geste du fossoyeur, c'est qu'en fait, dès qu'ils vont ouvrir des sépultures, ils vont voir souvent la bouche qui va s'ouvrir, donc le rire sardonique en fait, la mandibule complètement ouverte, et donc ils vont tout faire aussi pour mettre en pratique en fait un calage mentonnier. Donc on trouve plein de cas différents. Alors des fois ils vont caler justement la bouche pour pas qu'elle s'ouvre avec les mains même de l'individu. Ils vont également mettre des fois des céramiques en fait en dessous. Là on a un cas qui est assez unique où il y a une céramique qui a été posée sous le menton de l'individu. Et même parfois on retrouve des cas dans la fouille d'il y a 10 ans où ils vont mettre les ossements des mérovingiens pour caler la mandibule. Et est-ce que vous pouvez savoir un peu à quelle catégorie sociale appartenaient ces personnes ? C'est assez difficile toujours de caractériser les gens par rapport au mobilier qu'ils ont, parce qu'en fait ce qu'on a juste comme information c'est le mobilier. Et donc on part du principe des fois un peu naïvement que plus on a de mobilier, plus on est riche, ou plus on a de tombes avec du mobilier important, plus c'est une richesse. Pas forcément, on peut avoir des tombes très très riches mais très très humbles en fait, où il n'y a pas forcément de mobilier associé à la sépulture. Là on est sur une partie de la nécropole sans mobilier, alors qu'on a fouillé avant, il y a 10 ans en fait, une partie de la nécropole avec beaucoup de mobilier, beaucoup de plaques, beaucoup des colliers en perles, des épées, pas mal de choses assez luxueuses. Alors qu'ici, pas du tout, mais c'est plutôt un problème chronologique, un problème de société en fin de compte. En fait, par rapport à tout ce qu'on a vu en fait, dans toutes les nécropoles du coin, on n'a pas forcément une nécropole qui a beaucoup de mobilier très très riche. C'est plutôt une nécropole moyenne, pas forcément trop aisée, pas forcément pauvre. On a un peu de tout en fait. C'est un vrai village médiéval assez classique où il y a l'aristocratie locale qui domine et à côté de ça, il y a plein de gens qui gravitent autour en fin de compte. On a des femmes, des enfants, on a des hommes, on a un peu tout. Donc c'est vraiment le reflet de la population vivante de l'époque. Donc c'est vraiment le monde des morts. Et est-ce que c'était une nécropole séparée de la ville des vivants ou intégrée à l'intérieur ? Alors, en général, ce qu'on connaît en Ile-de-France, comme à Bondy par exemple ou à Villemomble, donc dans le coin, à moins de 10 km d'ici, c'est qu'on a des nécropoles qui s'implantent toujours près des villages, qui sont même le cœur des villages. On a souvent un croisement. D'un côté, on a la nécropole, de l'autre côté, on a le village d'habitation. Donc c'est souvent assez lié en fait. Donc on a des fois des nécropoles qui sont un peu plus loin de l'habitat, qui sont en fait héritées des nécropoles romaines par exemple, où on enterre les gens plus loin que la ville. Mais au fur et à mesure dans l'histoire, du 5e au 15e siècle, on va plus en plus rapprocher le monde des vivants du monde des morts, pour aboutir en fait au 15e siècle, où justement le cimetière est un vrai lieu de vie, où on fait des échanges, où il y a du commerce, du marché en fait, où on s'assoit sur des tombes, où il y a une vraie vie dans le cimetière. Et maintenant, voilà, depuis un siècle ou deux, on s'éloigne un peu des cimetières, on met des grands murs, on les repousse un petit peu en fait. Mais à l'époque médiévale, en fait, non, il y a vraiment un rapprochement entre le monde des vivants et le monde des morts qui est assez fort. En la nuit devant le jour qu'il trépassa, il soupira et dit bassement: ô Jérusalem, ô Jérusalem, ayez merci de ce peuple qui ici demeure et le conduit en son pays. Andrea, vous avez fouillé cette tombe. Ce squelette-là, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, en fait, on peut voir à la fente au-dessus du crâne qu'il se serait pris un coup de glaive et qu'il aurait mis probablement 1 à 2 semaines avant de mourir. On peut voir parce que l'os a commencé à légèrement se reformer. Et bon, pour l'instant, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. On en saura peut-être plus quand il sera étudié au labo. Mais déjà, c'est impressionnant de voir cette marque qui donne le signe tout de suite des raisons de la mort. Oui, c'est clair. Surtout dans cette nécropole-là, en fait, c'est que, enfin, il y a que 2 squelettes qui ont été retrouvés comme ça avec une marque de coup. Donc, c'est plutôt intéressant. En fait, on ne veut pas s'empêcher d'imaginer l'homme de son vivant, en fait, qui était la personne dont on est en train de fouiller les os. Et puis bon, l'intérêt historique aussi, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir comment il vivait réellement à l'époque. C'est vraiment agréable de participer à tout ça, surtout que je suis noiséenne, donc moi j'habite à 300 mètres depuis 20 ans. Donc voir en fait ce qu'il y avait sous nos pieds pendant tout ce temps, c'est fascinant. Ouais, je savais très bien. Croissant. Je vais lundi à Croissy-Beaubourg prendre des caisses. Ça marche, donc là je mets ça en saut. Du coup là tu fais ce que tu peux, tu mets ça en saut et je pense qu'il reste une caisse encore dans le conteneur. Eh bien non, plus du tout, du c'est tout. Plus, c'est réserve épuisée. Je prends dans ma dernière réserve ultime qui reste. Je te remercie. La dernière c'est caisse. Alors où est-ce qu'on se trouve ici, Valérie Delattre ? Alors, on est au centre archéologique INRAP de Croissy-Beaubourg. On est au rez-de-chaussée, dans le lieu de stockage et de travail, où mes collègues anthropologues et moi-même, on intervient sur le matériel anthropologique qui revient des chantiers. Donc, je vais vous faire visiter. Alors, vous avez ici, vous voyez toutes ces caisses entassées, c'est tout le matériel qui est en cours d'étude, donc squelettes et autres, tous les vestiges, céramiques, verre, la faune, etc. Et de part et d'autre, il y a des salles de travail. Donc des salles avec des grandes tables, des loupes, des ordinateurs, etc., sur lesquelles on étale le mobilier qui vient d'arriver et qu'on étudie, qu'on remet ensuite dans des caisses et le temps de faire un rapport de fouille, le temps de faire des publications. Et ensuite, on le rend à l'État qui le met dans des dépôts puisque ça ne nous appartient pas. L'INRAP, il est simplement en transit, le temps de l'étude. Ici à Croissy-Beaubourg, on est dans la vallée de la Marne, ouais. Et on est à proximité de Disneyland. Alors, on est à Croissy-Beaubourg qui est un petit peu dans le rien, hein, du bout du monde, mais ce n'est pas anecdotique. En fait, on est à côté du parc Disney parce que c'est un grand bassin d'emploi pour nous, dans la mesure où il a fallu construire le parc, les hôtels, les voies d'accès, etc. Donc en fait, on s'est installé là parce qu'on avait des chantiers de fouilles et ce depuis presque 30 ans. Les gens qui viennent s'amuser sur les attractions Disney ne savent pas, par exemple, qu'ils ont sous leurs pieds un des plus grands cimetières carolingiens de l'Île-de-France, où on a fouillé à la fin des années 90 presque 1000 carolingiens, mérovingiens, carolingiens. Une des premières belles nécropoles qu'on a pu étudier avec des méthodologies d'anthropologie de terrain novatrices. Et donc c'était vraiment à l'emplacement du parc Disney. Et on a fouillé sur 2 ans parce que c'était extrêmement long. On a même eu le grand patron de l'époque de Disney qui arrivait en hélicoptère pour vérifier toutes ces installations et les travaux et qui était venu voir la nécropole parce que forcément il y avait des tombes partout et qui cheminait sur nos planches de bois qu'on avait disposées pour parcourir la nécropole et qui en fait de façon assez péremptoire et totalement désincarné de toute contingence législative, juridique, choisissait des sépultures parce qu'en fait, il voulait les squelettes pour les mettre dans le manoir hanté. Donc, ça a vraiment été une négociation franco-américaine rude pour lui expliquer que c'était pas des squelettes destinés à l'amusement, mais qui étaient destinés à la science. Et il était fort mécontent de ne pas pouvoir, pensant que c'était son terrain. Donc, il a fallu lui expliquer que la loi française, quand bien même c'était une enclave américaine, Disney est considéré à le même statut qu'une ambassade. On ne pouvait pas lui donner des squelettes de carolingiens pour aller habiter le manoir hanté de Disney. Cyril Le Forestier, on vous retrouve quelques jours après la fin de vos fouilles à Noisy-le-Grand dans votre laboratoire d'études des sépultures que vous avez pu fouiller. Oui, donc là, en fait, on est vraiment en plein cœur du laboratoire, en fait, du lieu où je vais commencer à traiter les sépultures sorties de terre. Donc, en fait, les ossements des individus arrivent ici dans des caisses en plastique. Et donc, le but du jeu, après, c'est de dégager la terre qui recouvre les ossements humains pour pouvoir, justement, analyser chaque individu os par os. Et alors, la première étape ? La première étape, en fait, consiste en du lavage. Et donc, le but, c'est de prendre une brosse à dents, de sortir l'os du sac, et puis de commencer à frotter directement sur l'os qu'on a prélevé. Donc, on peut maintenant directement aller dans la salle de lavage. Voilà, donc là, on a plein de paillasses, en fait, qui vont servir justement de poste de lavage. Et donc là, par exemple, on va prendre le premier sac qui se présente à nous. On va le déposer, en fait, sur une paillasse. Donc, ce qui est important à chaque fois, c'est de bien conserver le numéro de la sépulture, puisqu'en fait, l'individu avait un nom, mais maintenant, quand on le sort de terre, en fait, il a plus son petit nom à lui, il va avoir un numéro archéologique. Donc là, c'est la sépulture 833. On va prendre le premier ossement qui apparaît. Donc là, c'est un frontal, donc un os, en fait, qui correspond au front sur le crâne. On voit également les petits os nasaux qui commencent à apparaître. Et donc, l'objectif, ça va être de dégager la terre qui se trouve sur le crâne et pour pouvoir remonter après le crâne intégralement. Donc on fait couler de l'eau dans une bassine. Bon, c'est comme la vaisselle en fin de compte, c'est assez simple. Hein. On met de l'eau sur la brosse à dents et on commence à affronter en fait le crâne qui est donc devant nous, le frontal. Donc un des objectifs en fait principaux, c'est de bien nettoyer les coupes de l'os, donc là les sections. On va déjà apparaître les sutures crâniennes qui sont ici. Et donc l'objectif, ça va être de laver tous les os du crâne pour le remonter intégralement, pour à la fois le mesurer. On va également observer les sutures crâniennes qui permettent de définir un âge en fait sur une population globale. Ouais. Donc on va également laver au niveau de la voûte orbitaire, puisque on a des fois une petite partie criblée au niveau de cette zone-là, et la partie criblée traduit une carence en vitamine B et C. Donc là, vous avez déjà des premières informations d'interprétation. Voilà, donc ce qui est très bien justement en archéologie, c'est qu'on a une première vision en fait sur le terrain. On voit déjà l'individu comme il est, comme il a été enterré. On peut également commencer à voir s'il y a des grosses pathologies, des grosses maladies sur le squelette. Ensuite, quand on va faire le lavage, on voit déjà des choses en plus qui vont commencer à apparaître. Et surtout, quand on va récupérer l'os après pour l'étude, on verra encore différentes choses encore en plus. Donc justement, c'est intéressant de pouvoir avoir comme ça plusieurs scènes d'études et plusieurs temps en fait de la recherche. Donc, le crâne est quasiment lavé, cette partie de crâne. Donc après, on va le laisser sécher en fait quelques jours, et c'est qu'ensuite qu'on va remettre dans un sac tout propre pour justement le remettre dans une caisse également propre pour faire l'étude ensuite dans le bureau. Et là, c'est une chance parce que vous avez une mâchoire avec pas mal de dents que vous allez pouvoir étudier. J'ai préféré sur le terrain garder les os quand ils étaient liés par la terre, puisqu'on peut justement mieux les différencier pendant le lavage. Si on avait tout voulu enlever directement sur la fouille, on aurait cassé sûrement la mandibule, on aurait cassé le maxillaire, on aurait perdu les dents, on aurait confondu les petites racines qui sont de la mandibule et celles du maxillaire. Et donc on aurait pu avoir une fragmentation assez importante de l'os. Là au moins, j'ai pu récupérer tout ça en un seul bloc, et donc je vais pouvoir, dès la phase de lavage, séparer les dents du dessus, les dents du dessous, pour après faire l'étude correctement et faire une fiche d'inventaire de tout le squelette. Mon son est comme une renaissance. C'est promis, je graverai ma pierre. En attendant que mes cendres soient tapis par terre, bah je me désaltère. Mon son est comme une renaissance. C'est promis, je graverai ma pierre. En attendant que mes cendres soient tapis par terre, bah je me désaltère. Soit tapis par terre, bah je me désaltère. Soit tapis par terre. Alors là, dans ce saut monumental. Donc là, en fait, j'ai prélevé intégralement la tête osseuse de l'individu, avec à la fois son calvarium et sa mandibule, puisque le sujet avait reçu un coup important entre le frontal et le pariétal droit. Et donc, du coup, le but, c'est de prélever ça entièrement pour pas fragiliser l'os. Et donc, ensuite, on va pouvoir le laver, justement, correctement et récupérer la pièce qui a été emportée lorsque l'individu a pris un coup sur la tête. Donc, c'est sûrement un coup d'épée ou un coup d'objet tranchant, puisque ça a rayonné partout autour. Et donc, ça a sûrement été la cause de la mort peu de jours après. Et le trou qu'on voit, enfin la partie manquante du crâne, vous pensez qu'elle est à l'intérieur du crâne, vous allez la retrouver? Voilà, c'est fait que la partie qui est là a sûrement migré un peu vers le bas, donc il faudra faire attention aussi au lavage, de faire attention de ne pas casser la petite pièce qui est descendue plus bas et de la prélever correctement. Et est-ce qu'on peut voir avec vous les différentes caisses que vous avez rapportées de Noisy-le-Grand? Bien sûr. Donc là, justement, on vient de voir la partie qui n'a pas été encore lavée. Et on a une autre partie donc, qui a déjà été en fait traitée au niveau du lavage. Donc c'est la partie qui est ici à côté de nous. Donc là, on retrouve justement ces individus qui sont plus en fait dans leur gang de terre. Hein. On retrouve des gens qui sont des squelettes qui ont bien été lavés, qui sont propres, qui sont bien étudiables. Donc on peut prendre une caisse pour la regarder ensemble. Donc là, nous avons une sépulture de Nasid Grand, la sépulture 757. Là, on voit son fémur droit. Donc, on voit que c'est une personne déjà de petite taille. Hein. Elle n'a pas un fémur qui est assez volumineux et qui est très, très long. En fait, on a un petit fémur. Et donc, on va, comme ça, essayer de mesurer tous les fémurs du corps humain pour avoir une morphologie générale. Et on va surtout, en fait, associer une stature avec un sexe. On va voir combien mesuraient les hommes à l'époque, combien mesuraient les femmes. Et ça, en fait, par extension, si on fait l'étude d'autres cimetières dans le coin, des nécropoles gallo-romaines ou des cimetières médiévaux, on va pouvoir comparer les populations entre elles et essayer de voir justement d'où viennent les gens et se faire un peu de traçabilité en fait, des populations. Pour étudier donc justement si on a affaire à un homme ou à une femme, on va se servir des coxos, puisque la femme peut accoucher et l'homme non, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est le seul os du corps humain qui permet vraiment d'avoir un sexe. Et donc on va observer plusieurs points sur l'os coxal. On va d'abord regarder à l'œil nu les différences d'aspect entre le bassin féminin et masculin. Et ensuite on va prendre plein de mesures sur le bassin pour avoir un sexe à l'individu. Donc là on est sûr à 99% qu'on a réellement affaire à un squelette féminin. Et là, on a vraiment un crâne entier. On voit très très bien les yeux, la bouche. C'est le classique de la tête de mort. Là, c'est vraiment le crâne dans sa splendeur, avec tout qui est présent, tout qui est bien conservé. Il a de très belles dents également, donc il n'y a pas du tout de perte osseuse. C'est l'individu réellement comme il était de son vivant. Il n'y a pas du tout de déformation ni de destruction de la matière osseuse. Et vous, quand vous manipulez ce crâne entier au laboratoire, qu'est-ce que vous ressentez? Ben moi, je ressens en effet de l'émotion, parce que forcément, quand on est face comme ça à un individu humain qui a vécu et qu'on récupère près d'un millénaire et demi après, forcément, ça va créer un peu de sentiments, un peu d'émotion. Et donc, ce qui m'intéresse vraiment maintenant, en fait, dans la phase de l'étude, c'est de comprendre, en fait, qui était réellement. Donc, quand on va fouiller une sépulture, on va voir sa position, on va voir des choses dans un premier temps. Et ce qui est vachement intéressant, c'est quand on va faire l'étude de l'individu, commencer à lui mettre un âge, de lui donner un sexe, une stature, une robustesse, une corpulence, de dresser aussi sa fiche sanitaire un peu, voir s'il avait des maladies, s'il avait de l'arthrose, s'il mangeait bien, s'il mangeait mal. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est très intéressante, c'est de faire revivre un peu l'individu en tant qu'individu de son vivant et pas forcément juste une sépulture d'un défunt. Vous êtes vraiment à la frontière entre les vivants et les morts. Ah, donc c'est vraiment ça, c'est même plutôt l'inverse entre les morts et les vivants, puisque du coup, on travaille sur le mort pour comprendre le vivant. Moi, je suis pas forcément passionné de la mort, en fait, pour ce qu'elle est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus de comprendre le vivant en travaillant sur le mort, mais qui est juste un prétexte, en fait, pour comprendre une population ancienne. Ce qu'on fait, nous, comme métier, c'est pas l'étude des rois ou des grands dignitaires ou des personnages qui ont laissé une trace écrite. Nous, on écrit réellement l'histoire des gens qui n'ont pas laissé de trace, en fait. Donc, c'est bien, c'est qu'on retricote à nouveau, en fait, leur histoire à partir de ce qu'ils ont laissé sur leur squelette, sur leur vie, en fin de compte, sur leur façon de travailler, sur leur façon de manger. Et donc, ça permet vraiment de faire revivre ces gens-là qui n'ont pas du tout laissé de trace dans l'histoire. On est un peu le bras armé, en fait, de l'histoire quand on fait de l'archéologie du peuple normal qui a vécu avant. Mon son est comme une renaissance. C'est promis, je graverai ma pierre. En attendant que mes cendres soient tapis par terre, bah je me désaltère. Mon son est comme une renaissance. C'est promis, je graverai ma pierre. En attendant que mes cendres soient tapis par terre, bah je me désaltère. Voilà les restes de crémation tels que moi je les récupère au sortir du tamisage que mes collègues ont fait pour enlever toute la gangue de sédiments de chaque petit fragment d'os. C'est minutieux. Voilà, je vais vous montrer. Alors en fait, c'est totalement désincarné. Ça ressemble plus du tout à un squelette tel que vous avez pu en voir. En fait, voilà, c'est comme si on récupérait les ossements dans un crématorium actuel. Et donc, moi, mon rôle, ça va être dans la mesure du possible, de restituer chaque petite esquille à la partie du squelette pour voir si l'ensemble de l'individu est représenté ou si on a effectué les choix, les sélections anatomiques. Donc c'est un puzzle et une patience infinie. Donc, voilà. Moi, en ce moment, je travaille sur des incinérations. Donc ce sont des esquilles qui ont été brûlées, qui datent de l'âge du bronze, à peu près 1500 ans avant notre ère, 1500 000 avant notre ère. Donc mes collègues les ont fouillées précédemment sur le terrain, avec tout un protocole méthodologique classique. Et moi, je récupère les esquilles pour travailler dessus, essayer d'avoir une approche de l'identité de la personne incinérée la plus affinée possible, sachant que c'est assez compliqué, puisque le feu de la crémation a brûlé une grande partie de tous les petits critères osseux qui nous permettent d'avoir accès à l'âge, au sexe et aux pathologies éventuelles. Donc on fait au mieux avec l'infiniment petit de toutes ces esquilles, et on travaille aussi sur les comportements de collecte sur le bûcher, de ramassage, de tri des eaux, d'ensevelissement, etc. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect biologique et il y a aussi l'aspect culturel. Est-ce qu'on ramasse tout? Est-ce qu'on ramasse le crâne de façon préférentielle parce que c'est là que se loge la pensée de l'individu? En fait, on a tout ce travail-là pour des périodes qu'on ne connaît pas beaucoup. Et les incinérations, c'est un petit peu ingrat comme travail, mais ça permet de documenter des périodes, notamment proto-historiques. Les bûchers se faisaient en plein air, à la plupart du temps, donc avec du combustible, du bois, comme on le voit en Inde à l'heure actuelle. Et les proches, les participants, viennent ramasser sur le bûcher les populations qui enterrent après. Quand on jette au Gange ou qu'on estime qu'on n'a pas besoin d'un lieu de commémoration, on ne ramasse pas forcément sur le bûcher. Mais on peut ramasser, donc les gens qui participent aux funérailles, les mettre dans une urne, un panier, une céramique, et ensuite les enterrer dans la nécropole pour avoir un lieu de souvenir. Et donc les participants, les collecteurs, peuvent avoir un ramassage exhaustif, auquel cas c'est tant mieux pour nous, puisqu'on travaille sur quelques centaines, voire plus d'un kilo d'os, ou alors un ramassage aléatoire, qui peut être sélectif, des os privilégiés, ou alors on ramasse de quoi remplir un vase, par exemple, c'est-à-dire de façon indistincte sur l'objet. Donc nous, notre travail, c'est de voir quel type de collecte, quel type de ramassage a été fait pour essayer de travailler sur des pratiques et des liturgies qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas de texte. Donc on essaye de réécrire les schémas, les mentalités avec les gestes. Chaque nécropole documente à sa manière, même chaque incinération, si... lacunaire soit-elle, elle amène sa petite contribution à l'étude d'un grand tout. Je vous ai amené ça, regardez. Qu'est-ce que c'est pour vous, ça? Jouer l'anthropologue. D'accord. Allez-y, alors, hein. Ouais. Je peux toucher alors, le tissu. Brûlé ou pas brûlé? Oui, oui, oui. D'après vous. Pas brûlé. Pas brûlé. Pas brûlé. Et alors, c'est des tout petits fragments qui ressemblent à des arêtes de poisson pour moi, à première vue. Donc c'est des petits os tout fins et courbes qui ont un peu la forme aussi de grands ongles. Est-ce que vous, dans votre squelette, quand vous le projetez, vous avez des os fins et courbes? Les côtes. Des côtes minuscules qui font 2 cm de long ou 3. Alors? Ben alors du coup, c'est un tout petit fœtus. Je travaille aussi sur... ce qu'on appelle les périnataux, c'est-à-dire les enfants, les fœtus décédés autour de la naissance du terme. Et là, je vous ai amené un fœtus. Il est décédé 7 mois in utero. Donc, soit une fausse couche, soit un avortement. Et je vous le présente parce qu'il est remarquablement bien conservé. Les historiens nous disent souvent que la mortalité infantile, les mamans, les familles sont habituées à ça, donc... un bébé meurt à la naissance, elle en fait un l'année d'après. On parle d'une économie blasée de la naissance, etc. Nous, archéologues et nous, anthropologues, on se rend compte qu'il y a toujours un traitement privilégié, particulier, qui est appliqué aux tout-petits. Le bébé, c'est un investissement. pour une famille, c'est la garantie de la survie de la famille, c'est la garantie d'avoir de l'aide dans les champs, c'est la garantie de plein de choses, c'est la survie de l'espèce. Hein. Chez Néandertal, avoir un petit, c'est garantir la suite. De la préhistoire à la protohistoire, les Gallo-Romains, nos ancêtres du Moyen-Âge, ont toujours inhumé leur bébé avec privilège, avec attention. Et qui plus est, c'est tout petit comme celui-ci, c'est un petit qui n'a pas été baptisé. Alors, qu'est-ce qu'on réserve au Moyen-Âge à un petit qui n'est pas baptisé? C'est l'enfer. Vous imaginez, vous êtes autour de l'an 1000, vous venez d'avoir un bébé qui meurt, un bébé sur quatre meurt à la naissance. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. La seule chose qu'on lui promet, c'est l'enfer. Eh bien, les parents, avec la connivence de l'Église, ont inventé un rituel qui s'appelle le répit. Il y a certaines églises, souvent dédiées à la Vierge, où on vient avec son enfant mort, on le dépose sur l'autel et on prie. Une journée, deux journées, on attend que Dieu lui donne vie. Et Dieu lui donne toujours vie. L'enfant respire, bouge, il y a un petit mouvement qui se fait, et on le baptise tout de suite, et on peut l'enterrer en terre consacrée, et tout va bien, il n'ira pas en enfer. Croyance populaire, mais croyance avérée et tolérée par l'Église. Ce qui se passe simplement, c'est que, voyez, c'est tout petit, les petites articulations, comme un bébé, au bout de 24-48 heures, les premières articulations commencent à lâcher. C'est de la médecine légale. Après, on peut dire que Dieu a ressuscité le bébé. Au Moyen-Âge, on se contente de ça pour envisager un répit et enterrer un bébé pour qu'il aille, non pas en enfer, mais au paradis. Donc, si ce n'est pas la preuve que le nouveau-né a de l'intérêt, que c'est quelque chose d'essentiel pour des familles, on a des textes à la fin du Moyen-Âge où on voit dans les registres paroissiaux que les parents, les parrains, etc. sont venus à l'église à répit, au sanctuaire à répit, pour essayer d'avoir ce baptême in extremis qui permet l'enterrement en cimetière, ce qui n'est pas le cas si l'enfant n'est pas baptisé. Et donc, on m'en a fouillé récemment, Seine-et-Marne, une petite église à Blandy-les-Tours, à côté de Vaux-le-Vicomte, où on a fouillé que des fœtus, que des bébés. Donc c'est particulier comme démarche, je voyais comme c'est infiniment petit, enfin c'est vraiment une pratique archéologique très particulière, mais où on avait là l'expression du deuil périnatal. Vous voyez, c'est des mots, alors c'est difficile quand on fait de la science de parler d'émotion, mais là pour le coup on a accès à un geste qui est vraiment l'expression de la tristesse et du deuil des parents. C'est pour ça que je vous ai amené ce tout petit, parce qu'il a une histoire. Et je pourrais vous en raconter de la même manière pour des Gallo-Romains, pour des hommes de l'âge du bronze qui vont enterrer leur bébé dans la maison, pas dans le cimetière, parce qu'il est encore à eux. Et donc, voilà, c'est aussi ça l'anthropologie, c'est pouvoir restituer des chagrins, des peurs, des comportements qui sont parfois à la marge, toléré par l'Église, est tellement toléré qu'au XIIe siècle, on va dire, bon, c'est pas normal qu'un bébé non baptisé, qui n'a pas encore eu le temps de pécher, ne puisse pas avoir accès au paradis. Sauf que, péché originel, vous imaginez, le pape, les évêques, en train de se dire, comment on peut faire? Ils ont inventé les limbes. Les limbes pour les tout-petits, c'est pour éviter cette période un petit peu entre deux, où on ne sait pas quoi faire d'un bébé qui n'a pas péché, mais qui a le péché originel sur lui. Et donc on invente les limbes, c'est entre deux, Alors vous imaginez le pape en train de dire, alors, on va créer un étage intermédiaire pour eux, pour leurs petites âmes. Ça, c'est du petit crâne. Oui, c'est comme une coquille d'œuf. C'est extrêmement petite fin. Clavicule. Ouais. On a l'impression aussi de, ça fait penser aux coraux. Et là, vous avez l'humérus, c'est-à-dire c'est cet os-là. Vous avez vu? Alors, on est anthropologue, mais c'est extrêmement touchant parce que déjà, en tant que femme, ça parle. Et puis récupérer des petits os comme ça qui ont quasiment 1000 ans dans un tel état, alors qu'ils sont millimétriques. Hein, vous voyez, c'est, alors j'ai même gardé le sédiment, mais là c'est tous les petits os, on a les petits os du pied, on a les petits os clavicules, avant-bras, etc. Et puis, indépendamment du fait alors, de pouvoir les mesurer, alors moi, je suis allée voir avec un échographe, parce que des tables de mortalité, il n'y en a pas beaucoup pour les fœtus. Donc, je suis allée voir un échographe qui, lui, peut donner l'âge in utero, mais alors, il se sert du périmètre crânien très difficile, du périmètre abdominal très difficile, mais heureusement de la longueur des os. Donc je lui ai amené et il était, lui, il les a jamais en direct. Il les voit qu'en images, donc c'était extrêmement troublant d'avoir de la réalité et du palpable pour lui. Et on a pu estimer à peu près 7 mois in utero. Mais donc voilà, c'est pluridisciplinaire. On fait appel aux historiens, là pour le coup un échographe parce que je manquais de référentiel. Et puis on recrée la vie. C'est troublant d'aller fouiller des squelettes. Il y a des religions qui ne l'autorisent toujours pas, pour lesquelles c'est extrêmement tabou et il faut respecter, bien évidemment. Nous, anthropologues, on se pose toujours la question « et pourquoi ? Et ai-je le droit ?» Enfin voilà, c'est des interrogations qui sont inévitables, quand bien même on ait un regard très très scientifique. En préventif, on a une façon de se défausser des choses en se disant « j'interviens, si j'intervenais pas, de toute façon, les travaux, une ZAC, le TGV, le parc de Disney, aurait lieu quoi qu'il arrive. Et tout ce qu'on a fouillé partirait à la benne, aux ordures, etc. » Aller fouiller dans une église, sans être très pieux, c'est culturellement quelque chose qui peut être un peu heurtant aussi. Chacun d'entre nous, on a cassé des carrelages parce que les monuments historiques voulaient installer un chauffage, par exemple. C'est troublant aussi. Il faut avoir une vraie raison. Alors la vraie raison, c'est la science, documentée. Mais après, il faut un petit peu avec soi-même se dire, si je ne le fais pas, pour X raisons, ils sont condamnés, ils ne resteront pas. Voilà. Le préventif a ça d'extrêmement sécurisant, et puis c'est un peu, on se réfugie derrière ça, c'est que les travaux auraient lieu quoi qu'il arrive. Donc cimetière ou pas cimetière, ils ne resteraient pas à l'endroit qui était pour eux le lieu d'éternité, quelle que soit leur spiritualité. Donc, c'est assez rassurant. Vous voyez, c'est une façon de se dire, non, je profane pas, je les sauve. Parce que de toute façon, l'urbanisation, l'économie actuelle, etc., les condamnait à sortir de leur cimetière et de cette éternité qui ne sera pas une éternité. C'était La mort vivante, j'irai fouiller dans vos tombes. Avec Cyril Le Forestier, Henri Dudet, Valérie Delattre, Rosalie Jallot, Sophie Lafosse et l'équipe de fouilles de la rue des Mastrais à Noisy-le-Grand. Moi, j'ai l'œil sur mon cimetière. Je fais ma ronde après minuit. Je me régale quand on enterre. Par suite d'une épidémie, 16 printemps dans mon cimetière. Oh, il y a de quoi faire des folies. Merci à Splinter pour l'extrait de sa chanson Épitaphe et merci à Vincent Charpentier. Par contre, je ne rends pas visite aux mignonnes incinérées. Le gaspillage, ça m'irrite. La poussière me monte au nez. Documentation musicale, Romain Couturier et Antoine Villoz. J'offre jamais d'immortel. En amour, pas de concession. Et je peux être infidèle. Comme ça, sans explication. Prise de son, Clémence Bonfils, Christophe Michou, Bernard Laniel. Mixage, Claude Nior. Sigil Casanova. Un documentaire d'Élise Gruot, réalisé par Anna Smuk. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en fouillant, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Meiji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Vous écoutez France Culture. start turning. Cause you unlock the doors in front of me. So come close.